avec philosophie, Géraldine Mühlmann. Bonjour et bienvenue dans Avec philosophie. La créativité est-elle une lutte sans relâche contre le conformisme ? Voilà ce dont nous parlons aujourd'hui à l'occasion de cette semaine où nous nous demandons quel est le secret de la créativité. Bonjour Annie Lebrun. Bonjour. Comme vous aimez le dire, je crois, vous n'êtes spécialiste de rien, mais vous êtes préoccupée par la poésie et par l'exigence de critiquer le monde tel qu'il va. Ça vous va comme présentation ? Oui, ça va. Vous êtes marquée par le surréalisme et surtout par la figure d'André Breton, dont nous parlerons. Et vous écrivez notamment des essais très critiques sur l'art, le monde culturel, l'air du temps de notre époque. Vous avez travaillé sur Sade, édité son œuvre pour Jean-Jacques Pauvert et été commissaire de l'exposition que lui a consacrée le musée d'Orsay en 2014. Vous dénoncez en ce moment l'hégémonie de l'image qui étouffe nos imaginaires, notamment dans deux essais parus chez Stock, Ce qui n'a pas de prix et coécrit avec Yuri Armanda, Ceci tuera cela, image, regard et capital. Et bonjour Frédéric Pajac. Bonjour. Vous êtes écrivain et dessinateur. Vous vous êtes fait connaître en 1999 par un livre publié au PUF qui a été qualifié d'ovni littéraire, quelle chance, composé de textes personnels et de dessins. L'immense solitude avec comme sous-titre Avec Friedrich Nietzsche et Cesare Pavese, orphelin sous le ciel de Turin. Vous avez continué ensuite dans cette veine quelque peu autobiographique, mais sans trame trop linéaire, où vous parlez aux philosophes et écrivains comme à des amis, et vous les faites apparaître dans vos dessins. Vous avez ainsi proposé 9 volumes d'un manifeste incertain où l'on rencontre Walter Benjamin, Vincent Van Gogh, Emily Dickinson, Marina Tsvetaeva, Fernando Pessoa, Ezra Pound. Et puis récemment, vous avez publié « J'irai dans les sentiers » aux éditions Noir sur Blanc et une revue périodique désormais, « L'amour », mêlant toujours texte et dessin, dont le dernier numéro s'intitule « Contre l'actualité ». Nous allons donc ensemble, Annie Lebrun et Frédéric Pajac, parler de la créativité. Est-elle une lutte sans relâche contre le conformisme ? Et si oui, comment mener cette lutte ? Annie Lebrun, j'aimerais commencer en vous demandant comment vous avez rencontré André Breton, figure centrale du mouvement surréaliste. Et je parle à la fois de la rencontre littéraire, puis de la rencontre bien réelle. Oui, mais d'abord, moi, je voudrais dire que créativité, je ne sais pas ce que c'est. C'est notre boulot, là, ici, de trouver. Parce que c'est un mot qui arrive, c'est un mot des sociologues, et puis qui est repris dans les années 80-90. Oui. Et qui correspond au moment où le néolibéralisme a besoin de nouvelles perspectives. Alors, c'est au moment où Thatcher dit « il n'y a pas d'alternative », et à ce moment-là, la bourgeoisie mitterrandienne qui est au pouvoir, elle répond, nous avons la créativité. Alors nous sommes dans le cœur du sujet. Donc cette histoire de créativité, moi ça me paraît, j'ai jamais entendu quelqu'un, je ne sais pas si Pajac, il parle de sa créativité. Non. J'ai jamais entendu quelqu'un qui fait quelque chose. Parce qu'un des objectifs, c'est de faire entendre à nos auditeurs dans cette émission que d'après vous, Annie Lebrun, nous verrons ce qu'en dit Frédéric Pajac, la créativité est devenue un nouveau mot d'ordre conformiste. Voilà, c'est ça. Et il n'y a aucun doute que nous traiterons de ce sujet, probablement pendant l'essentiel de cette émission. Mais avant, nous posons la question naïvement, si je peux dire. D'accord. Très bien. Et mine de rien, la question de l'imagination créatrice n'était pas étrangère à André Breton. Donc je voudrais quand même qu'on reparte de là, parce que c'est aussi la source vive à laquelle vous vous abreuvez, Annie Lebrun. Oui. Qui était-il pour vous ? Moi, c'est d'abord, moi, quand je commence un tout petit peu à réfléchir, je m'aperçois que dans le surréalisme, contrairement à cette sorte de désert des années 60-70, qui vire complètement dans le textuel, dans la formalisation de tout, eh bien, il me semble que le surréalisme a posé les questions que, dans le fond, que toute jeune personne se pose, comment vivre, comment être au monde, dans ce monde de plus en plus irrespirable. Et c'est comme ça que je me suis approchée du surréalisme. Et c'est le premier texte que vous avez lu, c'est quoi? C'est L'amour fou, par exemple? Oui, ou aussi, par exemple, et aussi Les manifestes. Pour moi, ça a été extrêmement important. Oui. Et quand vous l'avez rencontré, il était curieux de vous, de votre envie de vivre et de penser poétiquement? D'abord, il était d'abord très simple. Et donc, ce qui est intéressant, moi, je pense, chez Breton, c'est qu'il avait une attention extraordinaire à tout ce qui arrive, à tout ce qui vient, et en particulier à la jeunesse. Et toujours, la dernière personne arrivée était la personne qui avait le plus d'importance pour lui. Et parce qu'il écoutait ce que, en particulier, ce que les tout jeunes gens vont dire. Et il me semble que ce qui est important chez Breton, c'est justement cette attention à ce qui va arriver, à cet éclair qui va changer le cours des choses et qui est l'essence même de la poésie. Et on voit que ce qui a fait pour moi l'importance de Breton, c'est quelqu'un qui guette toujours le commencement. Et on voit bien, par exemple, l'écriture automatique, c'est ça. Oui, c'est ça. Et le mouvement qui dirige en quelque sorte cette trajectoire étonnante, ça a été toujours une attention extrême à ce qui commence. Alors justement, nous allons l'entendre parler de l'écriture automatique. C'était dans un entretien au micro de la RTF, puisqu'on disait comme ça à l'époque. C'était le 3 avril 1952. Il est possible que ce soit un cours, car vous allez voir la manière dont il s'exprime. Il importe au départ de bien saisir l'unité de la démarche qui préside à la pratique de l'écriture automatique, à l'étude des manifestations auxquelles donne lieu le sommeil provoqué. Dans les deux cas, ce qu'il s'agit d'atteindre et d'explorer n'est autre chose que ce qu'on appelle les états seconds. Ce qui nous a passionnément intéressés en eux, c'est la possibilité qu'ils nous donnaient d'échapper aux contraintes qui pèsent sur la pensée surveillée. Nous estimions, et pour ma part j'estime encore, que si l'on voulait soustraire ces mondes d'expression à la sclérose de plus en plus menaçante, rendre le verbe humain à son innocence et à sa vertu créatrice originelle, il était indispensable de couper les entraves qui le rendaient incapable de tout nouvel essor. Rendre le verbe humain à sa vertu créatrice originelle, Annie Lebrun, et ce contre ce qu'il appelle la pensée surveillée, c'était comme cela vous aussi que vous pensiez ces exercices, j'aimerais bien que vous nous disiez concrètement comment ça marchait, d'écriture automatique. Oui, mais bon, l'écriture automatique a été une sorte comme ça d'explosion, quoi. Ça arrive, et que je pense que toute personne qui un jour ou l'autre se laisse aller à ça et dans la disponibilité est tout à fait émerveillée de ce qui vient, mais en même temps on peut pas réduire le surréalisme bien à sûr, ça. Et c'est ça a été toute cette démarche justement à travers cette sorte d'explosion qu'il y a eu avec l'écriture automatique de voir qu'on est fait de toute autre chose que ce qu'on pense, et c'est cette sorte de quête ce désir d'aller vers les ténèbres qui nous fondent, qui sont à l'origine de la démarche du surréalisme et qui font cette sorte d'inactualité formidable qui fait que ça tient toujours quand même. France Culture, avec philosophie, Géraldine Mulman. Et je rappelle qu'aujourd'hui, nous nous demandons, avec Annie Lebrun et Frédéric Pajac, si la créativité est une lutte sans relâche contre le conformisme, sachant que nous arrivons maintenant à un des cœurs de ce problème. La créativité, y compris dans son acception surréaliste, être créateur par le verbe et par beaucoup de moyens artistiques, n'est-il pas un nouveau mot d'ordre en réalité très conformiste? Avez-vous l'impression, par exemple, Annie Lebrun, que l'écriture automatique a été détournée pour produire une prose un peu logoréique, le flux de conscience qui s'étale dans beaucoup de productions et qui finalement est un peu narcissique, un peu beaucoup plus comment dire, ordonné et moins créateur que ce que voulait Breton. Vous avez manifesté une grande défiance à l'égard de ce que vous appeliez notamment la désoccultation de l'intime et de l'érotique qui s'est déversée dans un certain nombre de récits de soi. Est-ce que il y a eu un détournement de certains enjeux? C'est une entreprise de vaste envergure de neutralisation et qui justement se manifeste au moment où le néolibéralisme se met en place et où le capital a besoin de nouveaux marchés. Et les artistes sont devenus les marchands avec eux? Et oui, il s'agissait maintenant de passer à... on assiste à une sorte de marchandisation de tout. Et dans cette marchandisation de tout, eh bien maintenant, on en est arrivé à la tentative de marchandiser ce qui n'a pas de prix, c'est-à-dire tout ce qui est de l'ordre sensible. Donc c'est pour ça qu'on se trouve devant cette sorte de catastrophe sensible actuellement. Alors vous allez directement vers notamment la question des arts plastiques en ce moment, où vous dénoncez beaucoup de choses, un gigantisme spectaculaire, par exemple chez Jeff Koons, bien sûr, et vous donnez l'impression que votre critique signifie arrêter de nous faire des choses si faciles et si faciles à vendre. Oui, le problème, c'est que justement, il y a eu, à partir des années 90, quand il y a eu cette sorte de financiarisation de l'économie, on a assisté à une collusion incroyable de l'activité artistique et de l'activité économique. Et tout d'un coup, tout ce qui passe pour l'art contemporain, dans le fond, se réduit. On nous fait assister à la transmutation de l'art en argent et de l'argent en art. Il y a d'ailleurs un documentaire qui fait tout à fait écho à ce que vous dites de Catherine et Marianne Lamour, qui s'appelait « La ruée vers l'art » oui. En 2013. Frédéric Pajac, vous êtes un singulier artiste, et j'ai l'impression que votre quête se tourne d'emblée vers une chose qui est très précieuse, Annie Lebrun, qui est le rêve, la rêverie. C'est ainsi que vous commenciez votre livre de 1999, « L'immense solitude », je vais lire. « J'ai écrit et dessiné ce livre comme une longue rêverie. Elle a débuté il y a plusieurs années par un après-midi d'automne sur les bords du Pô, à Turin, par hasard. Je dis bien par hasard. Depuis, je l'ai souvent rencontré, ce par hasard, à la fois espiègle et inquiétant, que l'on appelle aussi « quelle coïncidence » et dont il est beaucoup question ici, c'est-à-dire dans votre livre. « J'avais déjà lu, poursuivez-vous, passionnément, les livres de Nietzsche et de Pavèse, tout comme j'aimais depuis longtemps les peintures de Giorgio de Chirico. Mais la ville que je découvrais et son complice, par hasard, ne m'avaient pas encore dévoilé les fils mystérieux qui reliaient ces jusqu'au boutistes de la mélancolie, de l'immense mélancolie, langoureuse, extatique ou irrémédiablement funeste. Ces fils, je ne les ai pas tissés, je n'ai pas non plus tiré rudement dessus, je suis restée à ma rêverie, la laissant me conduire à son gré, ici, dans le dépeuplement d'une rue, sur la rondeur d'une colline ou sous la fraîcheur d'un arbre, et puis là, dans une phrase grandiloquente, dans une poésie catégorique, ou que sais-je, un aveu, un sanglot, un rire. » Rêver et mettre des artistes au cœur de cette rêverie, c'est ce que vous avez toujours voulu faire, Frédéric Pajac? Je l'ai fait un peu par hasard, comme je dis. Ça n'a jamais été une volonté. Par exemple, quand j'ai fait ces dernières années, pendant 9 ans, le Manifeste incertain, oui. J'ai poursuivi cette rêverie. C'est-à-dire, mais cette rêverie, c'est aussi une sorte de voyage. C'est parce que j'ai voyagé dans le monde entier pour faire ces 9 volumes. Oui. Je suis allé vraiment sur tous les continents, sauf l'Australie. Et en fait, par exemple, j'ai entendu une fois Marina Tsvetaeva et j'ai eu envie d'en savoir plus. Oui. Et c'est vraiment, je l'ai découvert par hasard, Marina Tsvetaeva. Et puis, je suis allé en Russie pour voir, je suis allé en Crimée pour voir où elle a rencontré son premier amour, etc. Donc, je suis toujours dans une forme de rêverie. Ça n'a pas changé, mais ça n'a jamais été une décision. C'est vraiment quelque chose qui m'échappe en partie, quoi. Et est-ce que Vous pensez que, qu'il y a un geste qui vous est familier, c'est un geste qui d'ailleurs était important aussi dans le surréalisme, cette façon de dire « ce dont je parle n'est pas que ce dont je parle, il y a toujours autre chose » et c'est peut-être aussi pour ça qu'il y a du dessin qui nous emmène toujours ailleurs et d'ailleurs qui est un peu en tension avec le texte chez vous. Ben moi, je dis que souvent que le texte et le dessin, ce sont des deux langages irréconciliables. Mmh. Et il y a une hostilité entre eux qui est extraordinaire. Et bon, moi, il se trouve que j'utilise ces deux langages depuis longtemps. Et puis, j'essaie pas de les réconcilier. Je laisse chacun vivre sa vie, en fait, et s'exprimer comme il l'entend. Mais je préciserai juste que, pour moi, l'écriture, c'est la conscience. C'est-à-dire, je cherche vraiment à être le plus conscient possible en écrivant, être au plus près de ma pensée. Oui. Tandis que le dessin, c'est l'inconscience. C'est-à-dire, moi, je dessine, alors je dessine de façon apparemment réaliste, mais en fait, je dessine dans un état de second, parce que je dessine sur une période très courte, c'est-à-dire je dessine sur 2 mois à peu près, je fais presque 200 dessins. Oui. Et comme c'est des dessins difficiles à faire, parce qu'il y a beaucoup de petits croisillons, des petits traits, etc. Je me mets dans un état où en fait je ne vois plus les dessins se faire. Ils se font presque malgré moi. Annie Lebrun, vous appréciez l'œuvre de Frédéric Pajac? Oui, mais bon, tout ce qu'il vient de dire, ça va complètement à l'encontre de ce qui est proposé actuellement de l'activité artistique et soi-disant autour de la créativité. D'abord parce que vous avez insisté sur le fait que c'est par hasard que tout d'un coup quelque chose s'ouvre dans le paysage. Oui. Et c'est toujours dans le... On habite des paysages et il se trouve qu'il y a quelquefois... Au point le plus obscur, de façon plus attendue, quelque chose s'ouvre et un autre paysage s'ouvre. D'un autre côté, vous avez parlé de cette rêverie. Et on voit très bien que ce qui est aujourd'hui, c'est ça qui est... Il y a une lutte à mort contre ça. Contre la rêverie ? Contre la rêverie, contre cette sorte de disponibilité, même c'est un mot qui n'est pas juste, mais c'est cette sorte d'état second. Et c'est cet espace que chacun peut créer. Et c'est là où chacun a cette possibilité-là. On le voit bien, très, très bien quand on est amoureux. Tout d'un coup, l'espace s'ouvre, le monde est différent, a d'autres dimensions. C'est de ça dont il s'agit. Et or, c'est ça qui est maintenant attaqué de toutes parts par, justement, cette civilisation de l'image. Mais, parce qu'on empêche qu'il y ait l'espace, justement, ce dont vous parlez, Frédéric Pajac, qui est pour moi essentiel de ce qui se passe entre les mots et les images. C'est quelque chose, vous dites c'est irréconciliable. Oui, c'est irréconciliable parce qu'on ne peut pas traduire l'un de l'autre, mais c'est dans cet espace intermédiaire que tout se passe et que chacun peut trouver justement des chemins vers l'inconnu dont il est fait. Alors, Frédéric Pajac, toujours dans ce livre « L'immense solitude », à un moment donné, sous un dessin, bien sûr, rappelle ce mot de Pavèse. « La poésie commence lorsqu'un idiot dit de la mer, on dirait de l'huile. » Et évidemment, je pense tout de suite à Marcel Duchamp, qui en 1928 produit une image, et en dessous, il est écrit, une image avec une pipe, et il est écrit « Ce n'est pas une pipe ». Or, Annie Lebrun, vous dites très bien qu'aujourd'hui, on a détourné ceci n'est pas cela pour faire de la marchandisation. Par exemple typique, ceci n'est pas un sac à main, Vuitton, ceci est une œuvre d'art. Et on utilise des artistes finalement pour faire des sacs à main. Qu'est-ce que vous avez à dire sur cela ? Il n'y a pas grand-chose à dire. Sinon, il y a quand même deux gros livres là qui évoquent beaucoup ces problèmes. Sinon, à déplorer la misère de ça. Mais c'est que justement, actuellement, on a une sorte d'industrie culturelle qui met tout en place pour empêcher justement que quelque chose s'ouvre, pour empêcher le surgissement d'autres horizons et pour empêcher ce que moi j'appelle une sorte de conscience poétique du monde, qui fait que tout d'un coup, tout peut changer à partir de rien. Or, cet espace est continuellement occupé et par, et par l'art contemporain, justement par son gigantisme, et qui met dans un état de sidération, et on est complètement, c'est comme des effets spéciaux, il n'y a plus rien à dire, et c'est une sorte de dressage pour faire accepter ce qui est, et d'un autre côté, par cette marchandisation de tout ce qui, est d'ordre sensible, où on ne laisse plus, il n'y a plus d'espace entre les images, il n'y a plus d'espace entre les mots. Tout est maintenant normaté, et il y a une sorte de condensation qui fait qu'il n'y a pas cet espace de jeu, à partir duquel, à tous les sens du terme, de jeu qui fait que quelque chose peut surgir. Et vous êtes très sensible au fait que les artistes qui sont au cœur de cette marchandisation parlent un peu comme des artistes révoltés, alors que vous ne cessez de dire que c'est une fausse révolte. Par exemple, James Koons, qu'on va entendre dans un instant, dit, et c'est vous qui le citez, je désire, y compris dans ma collaboration avec un grand marchand de sacs de luxe, abolir la hiérarchie liée aux beaux-arts et aux maîtres anciens, un peu comme tout un art moderne subversif voulait abolir cette hiérarchie. Ça produit quoi en vous, cet usage d'un vocabulaire de la subversion, là où d'après vous, il n'y en a plus ? Bah, c'est dégoûtant. C'est dégoûtant. En plus, quand Jeff Koons dit ça, enfin, on sait très bien que les sacs dont il parle, c'est derrière des vitrines, etc. Et puis bon, c'est un des spécialistes de cette marchandisation. Alors, on va voir comment il parle, justement. J'aimerais qu'on analyse aussi le discours sur soi des artistes en ce moment. Jeff Koons s'est exprimé notamment à la National Gallery of Victoria à Melbourne le 22 juillet 2021. Vous savez, j'ai découvert le concept de Marcel Duchamp, le ready-made. Et ce que j'aime dans le ready-made, c'est que ça englobe le monde qui nous entoure, que tout y est. J'aime le ready-made parce que c'est une question d'accessibilité. Ça vous rappelle à chaque instant que tout est là, que ça nous entoure. Quand vous commencez à vous concentrer sur vos intérêts personnels, et naturellement, c'est vraiment tout ce qui nous motive, puisque ce sont nos intérêts qui guident nos vies. Et quoi de plus agréable que de suivre ses propres intérêts ? Et lorsque vous vous concentrez sur ces intérêts, cela vous connecte vraiment à une forme de vocabulaire universel sous-jacent, à un monde métaphysique où le temps et l'espace se tordent. Et où l'objet quotidien le plus banal peut vous emmener à cet endroit-là, dans les plis du temps. Vous comprenez tous les deux, Frédéric Pajax, monde métaphysique où l'espace et le temps se tordent, et cette référence à Marcel Duchamp ? Qu'est-ce que vous pensez de ce type de propos ? Je trouve ça un peu obscur, mais peut-être que j'ai mal compris. Bon, il oublie de parler de l'argent, qui est quand même la seule chose qui l'intéresse vraiment. Donc, vous êtes d'accord là-dessus avec Annie Laurent ? Oui, tout à fait. Il y a un vrai problème là. Ah oui. Oui. Et puis je suis d'accord quand dans son livre, elle parle de la sidération, oui. Des œuvres monumentales. Moi, je me souviens quand j'ai vu au Grand Palais l'espèce de camp de concentration fait par Boltanski, avec ses piles gigantesques et ses grues de vêtements. Moi, ça me rend impuissant, quoi. C'est... Même lui, vous. Ah oui. Pour moi, c'était vraiment. Vous le critiquez. Pour moi, on est hors de la sensibilité. On est dans une démonstration de force, quoi. Ouais, ouais. Et je ne sais pas si les camps de concentration ont besoin de cette métaphore, finalement, de mettre des tas de vêtements déplacés par des grues. Annie Lebrun. Moi, je suis tout à fait d'accord avec ce que dit Frédéric Pajac, parce que justement, c'est cette sorte de sidération qui désensibilise, ça joue sur la sensation, mais pas sur la sensibilité. C'est-à-dire, c'est jamais ne peut s'ouvrir un autre espace. Et il y a un critique allemand qui s'appelle Ulrich qui a très bien défini ça, c'est l'art des vainqueurs pour les vainqueurs. Et c'est de ça dont il s'agit. Et c'est une école de dressage. Enfin, pour Boltanski, c'est quand même un peu les vaincus, quoi. Comment ? Pour Boltanski, c'est quand même un peu un art pour les vaincus aussi. Oui, non. Mais bon, on parlait aussi de Jeff Koons. Oui, oui, oui. Et que effectivement, c'est aussi ce qu'on voit très bien comment se fait le détournement, puisque la démarche de Duchamp avec le ready-made, ça a été de mettre en cause tout le rapport à l'argent, entre l'art et l'argent. Et justement, Jeff Koons ne se sert de ça que pour faire de l'argent. Nietzsche, que vous aimez tant, Frédéric Pajac, disait dans Le cas Wagner en 1888 qu'il y avait une tendance décadente de l'art qui était justement d'aller vers le colossal, vers le fixe. Il disait même qu'il y avait une hystérie là-dedans, et c'était Wagner qui l'avait tant aimé que maintenant il dénonçait avec une sévérité magnifique. C'est un peu ce que vous dites là, Frédéric Pajac. À propos de quoi ? À propos du moment actuel, de son gigantisme, du désir de sidérer qui serait à l'œuvre dans l'art contemporain. Oui, Nietzsche, il allait plus loin parce qu'il disait que c'était en Nietzsche fait... va toujours plus loin. Ça conduisait au nihilisme, en fait, que Wagner, c'était un nihiliste. Et que le fait que Wagner redevienne chrétien, ça a été pour lui une trahison totale. Et pour lui, le christianisme, c'est le nihilisme. Et donc, Wagner a trahi tout ce en quoi il croyait voilà. En redevenant chrétien, oui, ça oui, vous dites. Oui, tout à fait. Et puis Nietzsche était très choqué par cette conversion. Et donc, le nihilisme pour moi, il est au cœur de l'art contemporain. Moi, je suis pas très indulgent vis-à-vis de Duchamp parce que je trouve qu'il a en partie tué la sensibilité et je le trouve un peu. Je trouve qu'il a fermé les choses plutôt qu'il les a ouvertes. Et puis d'ailleurs, il a été très vite complètement récupéré par l'argent. Lui-même ? Oui, mais énormément, quoi. Je trouve. Non, je crois que lui était complètement indifférent à ça. Oui, mais enfin, non, ce que je veux dire, c'est que ces images sont devenues... on les voit partout. Quoi. Duchamp, il y a un nombre d'artistes, qui sont complètement duchampiens. Quoi. Oui, mais par exemple aussi, il faut bien voir que le ready-made, ça ne se fait qu'une fois. Oui, je suis d'accord. Que maintenant, on est dans la reproduction continuelle. Oui, je suis d'accord. C'est mais ça. Il faut quand même quelqu'un commencer à faire. Pour moi, je ne suis pas très indulgent vis-à-vis de Duchamp, parce que LHOQ de la Joconde, je trouve ça potache, je trouve ça assez c'est insensible. Un peu potache, et il jouait là-dessus Moi, ça me touche pas, en fait. Ouais. France Culture, avec philosophie, Géraldine Mühlmann. Frédéric Pajac, en 2017, à France Culture, vous aviez déclarer que l'histoire de l'art est devenue elle-même une forme de conformisme. Où qu'on aille, disiez-vous, on a les mêmes musées, avec la même muséographie, la même histoire presque nihiliste de l'art. On voit l'impressionnisme, le fauvisme, puis les peintures futuristes. Pourtant, disiez-vous, quand il y avait des peintres futuristes, il y avait aussi des peintres non futuristes et qui faisaient aussi partie de l'histoire de l'art. Il y a donc une autre histoire, une histoire cachée, c'était encore votre expression. Eh bien, ça ne va pas mieux, c'est ça ? On est vraiment là-dedans. Oui, on est vraiment là-dedans. Et moi, j'ai eu l'occasion de visiter des musées vraiment dans le monde entier. Et on retrouve toujours cette même dictature, en fait. C'est une dictature. Ouais. Parce que, aujourd'hui, c'est la célébrité, c'est finalement certaines personnes de l'art contemporain qui sont mises en avant. Et la célébrité, c'est autant l'artiste que le prix. Le prix est célèbre. On met toujours en avant la célébrité du prix. Du prix au sens financier, oui, du terme. Oui, du prix, oui. C'est-à-dire parce que ça coûte, quoi. Vaut un million, etc. Et c'est ce qui lui donne une valeur, en fait, qui n'est qu'une valeur d'échange. Et vous disiez aussi, dans ce même entretien, qu'il y a quand même quelques cachets, quelques oubliés qui ressortent. Et vous parliez de Giacometti, après la guerre, qui n'était pas du tout dans l'histoire dominante de l'art et qui est ressorti. Vous pourriez nous expliquer un petit peu ? Ben, Giacometti, bon, il a passé par le surréalisme. Je ne trouve pas que c'est le meilleur passage de sa vie. Mais Giacometti, il a... Tout jeune, il a cru à la figuration, il a cru à l'art du portrait. Et il a été d'échec en échec hein, quand il était jeune. Il n'arrivait pas à s'exprimer, il n'arrivait pas à faire ce qu'il voulait. Et donc, c'est après la guerre qu'il est revenu à la figuration. Il a poursuivi ce qu'il avait commencé jeune. Et il a poursuivi, je trouve, avec brio, même s'il disait toujours, un peu comme Beckett, j'échoue, quoi que je fasse, j'échoue, comme Bram Van Velde ou pas mal d'artistes. Mais pour moi, il a vraiment ouvert une nouvelle voie dans la figuration et une forme de réalisme tout à fait singulier, quoi. Et je trouve que cette résistance à l'art géométrique, à tout cet art des années 60-70, etc., je trouve que c'était assez courageux de sa part. Et c'est étonnant qu'il ait réussi, que ce petit Suisse venu du fond d'une vallée des Grisons, qu'il ait réussi à devenir un artiste si important du point de vue de la sensibilité. Annie Lebrun, vous avez envie de réagir là, ce qui vient d'être dit ? Oui, je suis d'accord justement avec ce que dit Frédéric Pajac, justement cette sorte d'hégémonie à laquelle on assiste actuellement. À quoi vous avez fait allusion, le fait que quand on a l'occasion de voyager, que dans tous les musées du monde, on retrouve les mêmes choses. Et on voit à quel point il s'agit d'une véritable marchandisation de l'art et transformation de la marchandise en art, parce que c'est la même démarche que ce qu'on voit avec les enseignes. Vous avez les mêmes artistes, on retrouve les mêmes artistes dans les différents musées, comme dans les différentes capitales, on retrouve les mêmes enseignes, McDonald's, machin, comme dans les aéroports, on retrouve les mêmes saloperies de luxe, etc. C'est exactement le même schéma. Je rappelle que nous sommes en train, avec philosophie, de réfléchir à la lutte contre le conformisme et à la créativité, en nous demandant d'ailleurs si l'injonction à la créativité n'est pas devenue elle-même une forme de conformisme. Nous sommes avec Annie Lebrun et Frédéric Pajac. Annie Lebrun, dans « Ce qui n'a pas de prix », votre essai chez Stock de 2021, vous écrivez des choses absolument terrifiantes sur notre époque, et notamment, je vais prendre un exemple, nous en sommes même à avoir des artistes qui posent une exclusivité sur une couleur. C'est-à-dire que si on utilise cette couleur, il faut leur payer, enfin leur donner beaucoup, beaucoup d'argent. Et vous évoquez le cas d'Anish Kapoor, qui a pris possession d'un certain noir, dit le Vanta Black, extrêmement saturé. Et donc, pour utiliser ce noir, on paye maintenant Anish Kapoor. C'est ça ? Oui, enfin, c'est-à-dire, je pense que lui, c'est l'autorisation d'utiliser ça, d'utiliser cette couleur. Alors, c'est pas non plus indifférent qu'il ait choisi le noir, parce que, justement, on sait très bien ce que, quand vous faites allusion au dessin, ce qu'on voit dans le noir, et que ce qui peut sortir, justement, du noir. Or, là, c'est un noir tout à fait particulier, c'est une peinture noire qui, d'abord, a été inventée à des fins militaires, parce que c'est un noir pratiquement absolu, à 90, qui absorbe la lumière à 99%. Donc ce qui fait que ce noir-là, quand on badigeonne une surface avec cette couleur-là, on ne voit plus le relief. On ne voit ni la profondeur, ni la hauteur. Oui. Et je pense qu'il y a quelque chose de très symbolique là-dedans, parce que ce noir-là, qui est... C'est le noir qui nous est proposé maintenant. C'est ce qui est présenté soi-disant comme quelque chose, une aventure artistique. Eh bien, ce noir-là, c'est un rien. Et c'est un rien qui, en même temps, est un leurre, c'est-à-dire qui camoufle la profondeur, qui camoufle la hauteur. Ouais. Frédéric Pajac, vous utilisez beaucoup le noir par définition. Vous faites beaucoup de dessins noir et blanc. Quelle est votre réaction à ce qu'on vient de dire sur ce Vanta Black sur lequel Anish Kapoor a posé en quelque sorte sa patte? Ça ne m'étonne pas, je ne suis pas vraiment étonné, je suis juste effaré, mais je ne suis pas étonné parce que c'est vrai qu'on rentre dans une ère de... Depuis certaines années, on est dans une ère qui est de pire en pire de ce point de vue-là, quoi. C'est-à-dire on va assister à des démonstrations de l'art contemporain de plus en plus écrasante, en fait. Et notamment, c'est un système, hein, l'art contemporain, c'est devenu un système, mais vraiment marchand, quoi, essentiellement marchand, et puis où on retrouve à New York, à Londres, à Venise, à Bâle, etc. Il y a une sorte de réseau, etc. Et des gens qui achètent cet art, et pour lesquels, en fait, l'art est devenu simplement une monnaie parallèle. Oui, Annie Lebrun. Oui, c'est une bourse parallèle, complètement. Oui, oui. Mais donc qui boucle complètement l'espace sensible. Et je pense, et ça me fait toujours, je pense à cette chose prémonitoire de Arthur Cravant, qui était cet étrange personnage qui apparaît au début du XXe siècle et qui, en 1911, dit « Bientôt dans la rue, on ne verra plus que des artistes et on aura toutes les peines du monde à y découvrir un homme. » On est là-dedans. Et ce qui, la plupart des gens qui se prétendent artistes de l'art contemporain, qui marchent dans cette combine-là, sont dans cette... sont des exemples de ce que Cravant avait prévu. J'ajouterais que la plupart des artistes contemporains aujourd'hui, au fond, ont une idée. Ils n'en ont pas 10, ils ont une idée et ils tapent sur le... Et en fait, à force de taper, on se fait remarquer, en fait. Mais c'est une idée. C'est quand même une attitude de la marchandisation. C'est-à-dire, il faut avoir un truc et on y va à fond. Alors, vous parliez du sensible, tous les deux. Je voudrais qu'on parle un peu de ce qu'on appelle en ce moment l'art conceptuel. Et nous avons un joli exemple à analyser ensemble. C'est le procès en cours entre Catlan et Druet. Ça va vous être expliqué très bien par Bruno Duvic. C'était au 13h de France Inter au mois de mai, qui explique cette affaire. Druet étant en quelque sorte celui qui exécute ce que conçoit Catlan. Écoutez. La culture au cœur de l'actualité judiciaire, avec ce procès à Paris, autour d'une question assez passionnante. Qui est l'auteur d'une sculpture? Est-ce celui qui l'a conçue ou celui qui l'a matériellement fabriquée? Il y a beaucoup d'argent à la clé derrière cette question. Le procès oppose la star de l'art, l'italien Maurizio Catlan, au français Daniel Druet. C'est lui qui a concrètement réalisé quelques-unes des œuvres les plus célèbres de Catlan. Hitler en petit garçon à genoux, par exemple. 17 millions d'euros chez Christie's. Mais pour cette œuvre, Druet a touché quelques 30 000 euros. Il demande à être considéré comme l'auteur des œuvres. Bon, c'est une affaire de gros sous, on vient de l'entendre. C'est-à-dire, est-ce que Druet a raison de n'avoir demandé que 30 000 euros pour exécuter des projets artistiques de Catlan qui valent 17 millions? J'aimerais cependant aussi, au-delà, interroger ce genre de projet artistique. Vous, Frédéric Pajac, vous faites tout. Vous écrivez, vous dessinez, vous vous préoccupez de l'impression de vos livres, vous avez les mains dedans, il n'y a pas juste la conception et l'exécution. Qu'est-ce qui se passe dans l'art contemporain, dit conceptuel? On distingue complètement celui qui conçoit tel un PDG, celui qui conçoit, et son cadre qui exécute. C'est le système capitaliste, c'est la division du travail. C'est simplement ça. Moi, ça ne m'étonne pas du tout. C'est un peu comme, comment on appelle ça, le fair use, ce procès qui a eu lieu il y a à peu près, maintenant, je ne me rappelle pas, 10 ans peut-être, aux États-Unis avec cet artiste dont j'ai oublié le nom, mais qui reprenait des photographies d'un photographe français sur Cuba et qui utilisait les photographies et qui repeignait par-dessus et qui se réappropriait la photographie. Et c'est lui qui a gagné. C'est-à-dire, il y a eu un procès retentissant aux États-Unis et où on a considéré que c'était du fair use. Donc on pouvait tout à fait... réutiliser n'importe quel artiste vivant, quoi. Moi, je trouve ça... moi, je suis pour le détournement. Ça ne me dérange pas, oui. Le détournement. Je trouve l'art ça... comme détournement, oui, de beaucoup de normes. Oui, oui. Moi, mais ce que je trouve gênant, c'est quand on s'empare de l'œuvre de quelqu'un et que et qu'on aimait, parce que par exemple Asger Jorn a beaucoup peint sur des anciennes peintures, j'aime énormément ça moi, mais il a pas escroqué quelqu'un, tandis que là il y a une forme d'escroquerie quoi, mais l'escroquerie ça va très bien avec le système marchand hein. Oui. Annie Lebrun, vous pensez l'art conceptuel détourne un certain nombre d'idées qu'on entendait dans un art révolté, subversif que vous aimez. Ce détournement vous met en colère, c'est ça? Bah, c'est l'exploitation pure et simple. C'est l'exploitation marchande de tout ça. Donc en fait, ce n'est pas un détournement, c'est ça? C'est pas du tout un détournement. C'est l'exploitation. C'est l'exploitation. Puis on est dans la survivance du signe à la chose signifiée. On est dans une sorte de désensibilisation et on enlève le sens de la chose. Il n'y a plus que le truc formel. Et ce qu'il y a aussi de très grave aussi dans ce qui a été évoqué là à l'occasion de ce procès, c'est aussi que tout d'un coup, dans ce qui est soi-disant montré que soi-disant l'art conceptuel, c'est que tout ce travail auquel, par exemple, vous faisiez allusion avec le dessin, la façon dont vous dessinez, c'est que quelque chose surgit avec la main. Toute cette dématérialisation de l'activité artistique à laquelle on assiste, c'est quelque chose d'effrayant. Parce que ça va aussi avec la désensibilisation à laquelle on assiste, qui nous fait vivre maintenant une vie sur écran. On vit dans un monde écran, à tous les sens du terme. D'ailleurs, il y a de plus en plus de dessinateurs qui, hélas, dessinent sur des tablettes. Et c'est ça. Et tout ce rapport au papier, à l'encre, au crayon, etc., ça. N'existe plus. Oui. Et c'est quelque chose, effectivement, de dématérialisé. Moi, je trouve ça... d'abord, je trouve ça vraiment affreux. C'est catastrophique. Un dessin qui n'est pas matériel, je trouve ça épouvantable. Et ça se voit, en fait. Oui. Toutes les bandes dessinées sont coloriées avec des tablettes, quoi. C'est devenu... Et puis, il y a cette sorte d'inconscient de la main à laquelle vous avez fait allusion, qui est ce geste. Et on voit très bien comment les grands... ceux qui ont réfléchi véritablement sur la question de la beauté liée à la question sociale, et je pense particulièrement à William Morris, oui. On voit comment ça passait justement, toute leur démarche passait par quelque chose qui tient de l'artisanat, qui tient du rapport, qui tient au geste. Donc il s'agit de complètement éliminer le corps. Même quand on montre un Hitler à genoux, comme le fait Catelan, où il y a quand même une matérialité, une sculpture en quelque sorte, même si ce n'est pas lui qui l'a faite. Il n'y a vraiment rien que vous ne puissiez sauver de ce moment actuel, Annie Lebrun. Non, rien ne vous touche dans ce pour qui parler est mis, de la sensibilité. Dans ce qui est mis en avant, non. C'est qu'on est devant quelque chose d'absolument révoltant. Pour moi, c'est ça. Et vous êtes à peu près du même. Oui, moi, je pensais que vous étiez plus modéré. Mais, non, je ne suis pas plus modéré, mais si vous voulez... je pense qu'il y a tellement de choses à faire, il y a tellement d'artistes à mettre en avant, à découvrir, à sublimer, même, mais des artistes qui sont pour l'instant qui n'ont pas droit de citer, parce que les galeries sont devenues ce qu'elles sont, les musées sont devenus ce qu'ils sont. Il y a une uniformisation, je veux dire, qui est quand même terrible, quoi. C'est moi, je suis éditeur aussi, par ailleurs je suis éditeur de, ça fait 20 ans que j'édite des dessinateurs. Les dessinateurs que j'édite sont pas j'ai édité Giacometti, j'ai édité Alechinski, j'ai édité quelques artistes très connus. Oui. Mais pour moi, par exemple, je viens de faire paraître un livre de Jean-Baptiste Sécheret. Pour moi, Jean-Baptiste Sécheret, c'est un des grands artistes d'aujourd'hui. Mais il ne sera jamais dans les messes actuelles. France Culture, avec philosophie, Géraldine Mühlmann. Nous parlons avec Annie Lebrun et Frédéric Pajac du conformisme, contre lequel il faut sans doute lutter pour la créativité, mais vous m'avez très bien expliqué l'un et l'autre qu'une certaine injonction moderne à la créativité est une nouvelle sorte de conformisme. Puisque vous parlez aussi beaucoup, Annie Lebrun, de l'image, de l'hégémonie de l'image qui étouffe nos imaginaires, j'aimerais avoir cette conversation précise sur l'image en partant d'un propos tenu par Antonio Damasio, auteur de science-fiction, qui dit qu'aujourd'hui, il y a tellement d'images qu'un auteur qui écrit des histoires n'a plus à décrire, ne doit même pas trop décrire, parce qu'il y en a trop du visuel. Je ne sais pas ce qu'il faut penser de ce qu'il dit. Écoutez ce propos tenu sur Arte Radio dans le podcast Bookmakers le 25 juin 2021. Le contexte qui est le nôtre, c'est un contexte de surdomination, d'hyperdomination du visuel. Producteur d'images absolument délirante. Donc quand tu vis dans un monde comme celui-là, où tu vois énormément de photos de paysages, de photos d'êtres humains, de photos de villes, etc., ton cerveau est parfaitement caffi et rempli de ces images. Ce qui fait que pour les solliciter dans l'écriture, tu as besoin d'extrêmement peu de choses. Donc il faut être extrêmement économe pour moi aujourd'hui dans les descriptions visuelles, parce que l'imaginaire va fonctionner extrêmement rapidement, extrêmement efficacement, avec très peu d'informations. C'était évidemment absolument pas le cas quand Balzac écrivait. Donc, quand Balzac écrit, il va décrire la forme du menton, la forme des yeux, les orbites, la saillance des joues, etc. Il va être le plus précis possible pour que tu puisses former le visage qu'il est en train de vouloir te transmettre. C'est plus obligatoire du tout aujourd'hui, et c'est même stupide pour moi de faire ça. C'est Alain Damasio qui s'exprime ainsi. Annie Lebrun, à la fois il dit des choses que vous dites, nous sommes submergés d'images, mais il en déduit que ce serait une stupidité pour l'écrivain d'aujourd'hui de décrire. Non, au contraire, je pense que justement dans l'écriture, il y a encore un respect de l'espace possible qui peut se surgir justement entre la description ou l'évocation de quelque chose et qui actuellement, avec la façon dont l'image est utilisée, fait qu'il y a une sorte de dictature, non seulement de l'image, mais il y a une dictature du visible. Il n'existe que ce qui est visible. Et ça, c'est extrêmement important. Et en ce sens, je pense qu'il faut être très, très vigilant sur ce qui se passe à travers l'image, qui est devenue, au lieu d'être ce qu'elle a été, qu'elle a été cette sorte de porte sur l'imaginaire, c'était quelque chose qui s'ouvrait. Et tandis que maintenant, l'image est quelque chose qui nous enferme, sans parler du nombre, des milliards d'images avec lesquelles nous sommes bombardés chaque jour, à chaque instant, de telle sorte qu'il n'y a plus cet espace qui fait que les images pouvaient respirer. L'image a changé de nature. Maintenant, elle est devenue agent de contrôle, elle est devenue l'agent du capital, c'est-à-dire aussi bien moyen de contrôle que moyen de profit. Frédéric Pajac, vous qui travaillez sur des images, que tirez-vous comme conclusion de cette énorme distribution d'images dont Annie Lebrun dit que c'est un problème peut-être encore plus grave que ce que Walter Benjamin avait détecté en son temps, en 1936, la reproductibilité technique, c'était une chose. Maintenant, nous sommes dans une distribution infinie qui étouffe notre rapport au réel. Vous êtes d'accord avec Annie Lebrun que quelque chose est en train de mourir ? Oui, oui. Mais je pense que les producteurs d'images, presque tout le monde devient producteur d'images, malgré soi. Mais les producteurs d'images sont devenus des iconophobes, parce qu'il y a une détestation de l'image. Chez qui ? Chez qui la détestation ? Mais tout le monde, on arrive à détester l'image, parce qu'on est tellement, tellement gavé d'images qu'au fond, il y a aussi une uniformisation aussi de l'image. Au fond, il y a des stéréotypes des images. Le selfie, par exemple. Oui, ça c'est évidence. Oui, bien sûr. Le selfie, moment Hillary Clinton voilà. Que décrit rappelle oui, évidemment oui. Annie Lebrun dans un de ses livres où elle faisait une conférence, un meeting et tout le monde prenait des photos mais lui tournait le dos puisqu'il s'agissait de prendre des photos de selfie avec elle. C'est un beau symbole pour vous aussi, Frédéric Pajac. Oui, le selfie, c'est typiquement. Puis c'est très drôle ce qu'elle raconte. C'est dans le le dernier livre se situe sur cela. Karine Le Brun est aussi très drôle. Je ne voudrais pas qu'on croie qu'il y a juste une colère froide. Non, mais... Il y a une colère aussi avec plein c'est d'humour. Vrai que dans son livre, tous les exemples sont toujours rafraîchissants, je trouve. Et oui, on est dans une dictature. Comme dit Annie Le Brun, une dictature sans dictateur. Oui, ça, c'est la première dans l'histoire de l'humanité, c'est ça. Hein. C'est la dictature sans dictateur. Par l'image. Mais oui, par l'image. Et on est complètement, complètement conditionné. Et l'image a changé de nature. Et comment être subversif, alors, avec l'image, au moment où l'image étouffe, dites-vous, notre capacité à être subversif? Il y a encore une place pour un artiste subversif avec l'image, d'après vous deux? Moi, je trouve, oui. Encore une fois, je trouve qu'il y a beaucoup d'artistes très intéressants et qui sont pas dans une mode, moi je suis particulièrement attiré par les artistes figuratifs parce que je trouve que on n'en a pas fini avec l'art figuratif et on a longtemps cru qu'on allait s'en débarrasser. Ouais. On parlait de Giacometti qui s'est pas laissé faire, mais il y a beaucoup de gens encore aujourd'hui qui sont encore une fois pas très connu ou connu d'un petit milieu, mais qui continue de chercher, de trouver des issues dans la figuration, parce que c'est infini, le dessin, c'est quelque chose d'infini, c'est comme la musique, c'est infini. Annie Le Brun, vous pensez aussi qu'il y a une place encore avec l'image et le figuratif, qu'est-ce que vous en pensez, vous? Bon, je ne peux pas me prononcer figuratif comme ça, en soi, c'est tellement abstrait que ça dépend à chaque fois de ce qui est montré. Mais bon, il faut bien voir que on est dans une sorte de cette dictature sans dictateur impose des images, impose un regard, fabrique notre regard, alors que effectivement il y a, je suis sûre qu'il y a, et vous en témoignez, il y a des tas de gens qui font autre chose, mais ça on ne le voit pas et tout est fait pour qu'on ne le voit pas. Je ne sais pas s'il y a des tas de gens, parce que moi, j'ai participé à des jurys de Beaux-Arts. Alors, j'ai toujours été étonné, mais ce n'est pas si étonnant, que finalement, il y avait dans chaque école, dans chaque classe, il y a toujours un ou deux personnes qui vont devenir des artistes qui sont singuliers, disons. Et c'est vraiment... cette minorité de gens a toujours existé. C'est pas du tout nouveau. Il y a toujours eu très très peu de gens. Peut-être se sont-ils entendus, ont eu l'impression d'être entendus aujourd'hui par vous. Je voudrais vous faire un cadeau à la fin, à Annie Le Brun, par une chanson punk, puisque vous dites qu'il y a aujourd'hui une récupération mondiale de la révolte punk. Je vous lis qu'aujourd'hui encore, presque 50 ans après, les industries du luxe continuent d'exploiter, qu'il s'agisse des vêtements, des parfums, des tatouages, de la maroquinerie. Eh bien, écoutez, une vraie chanson punk, si j'ose dire. 1977, The Jam, la chanson s'appelle Art School. What you want, cause this is a new art school. Do what you want if it takes your mind. Better do it now cause you won't have time. And never worry if people laugh at you. The fools only laugh cause they envy you. Who is to judge that your ways are correct? The media is watchdog, it's absolute shit. The TV telling y'all what to think. Yeah. Anything that you wanna do, and any place that you wanna go. Don't need permission for everything that you want. Any place that you feel is right. Wear any clothes, just as long as they're bright. Say what you want, cause this is a new art school. Eh bien, merci beaucoup Annie Lebrun et Frédéric Pajac d'avoir réfléchi avec nous sur la créativité. Peut-être ce n'est pas le bon mot, je vous ai entendu peut-être. En tout cas, ce mot et cette notion est-elle abîmée en son nom même désormais. En tout cas, nous avons bien pu réfléchir à ce problème avec vos points de vue radicaux, critiques. Ça fait du bien pour penser. Merci, les références de vos œuvres sont données sur le site d'Avec Philosophie. Et maintenant, c'est l'heure de la chronique de Frédéric Worms qui, cette semaine, fait écho directement à nos interrogations sur la création. Voici le pourquoi du comment. Pourquoi s'oppose-t-on à la destruction ? Que les êtres qui existent, et en particulier les êtres vivants, s'opposent à leur propre disparition et par exemple à leur propre mort, cela a quelque chose d'évident. N'est-ce pas même la définition de la vie ? Les vivants s'opposent à leur disparition, s'opposent à l'interruption de leur être qui est défini en effet par la mort. Et Spinoza, dans son Éthique, a fait du fait pour chaque être de persévérer dans son être la définition même de l'être, le célèbre conatus, qui en latin veut dire l'effort. Tout être tend, dit Spinoza, à persévérer dans son être. Il y a donc quelque chose de logique, quelque chose d'ontologique, comme on dit, qui tient à l'être en tant que tel, dans la résistance à sa propre disparition. Mais il se peut aussi que nous ayons, nous en tout cas, êtres humains, et peut-être tous les vivants qui débordent toujours de leur vie individuelle, une résistance plus profonde à la destruction. Une résistance non seulement à notre propre disparition, par une sorte de force d'inertie, ou par une sorte de refus narcissique centré sur le vivant individuel seulement, une résistance à la destruction en général, à la destruction de ce qui a été construit, parce qu'on ne détruit que ce qui a été construit, parce que la destruction vient interrompre une construction ou une création, une résistance donc qui nous apprend quelque chose sur la vie elle-même, sur le fait que la vie n'est pas seulement une force d'inertie de certains vivants dans leur existence comme telle, mais que la vie est, ou a été, ou aura été, un processus de construction et de création. Il y a destruction parce qu'il y a quelque chose qui a non seulement été un vivant, mais qui a construit un monde, qui a construit des institutions, qui a construit des objets, qui a construit des relations, qui a construit des œuvres, et que la mort n'est pas seulement une disparition, mais la destruction de ce qui a été construit. Pourtant, la destruction est inévitable, parfois elle est souhaitable. Il y a aussi des constructions nuisibles, il faut détruire des institutions de mort, il faut aussi parfois revenir à ce que certains ont appelé, avec parfois une fascination pour la destruction, des destructions créatrices. Les économistes définissent parfois des destructions créatrices, des destructions de certaines choses qui permettent d'en créer d'autres. Et d'une certaine façon, il ne faut pas s'opposer à toutes les destructions. Il y a certaines ruines que nous sommes heureux de voir, les ruines des bunkers sur les plages de Normandie, des ruines aussi de camps de prisonniers. Les ruines des prisons nous émeuvent moins que les ruines des églises ou des cités disparues ou des civilisations détruites. Il faut donc garder le critère de la création pour penser le sens de la destruction. Le garder au nom aussi de la vie. Oui, la vie n'est pas seulement la résistance à la mort, mais oui, pour comprendre le sens de la destruction, il faut comprendre qu'il ne faut pas détruire les conditions mêmes de la vie, les créations qui rendent possible la vie pour tous les vivants. Garder la boussole de la création pour ne pas justifier n'importe quelle destruction et pour comprendre aussi ce que la destruction nous apprend de la vie qui a toujours quelque chose de créateur. Merci Frédéric Worms. Votre chronique peut être réécoutée sur le site de Radio France dans les programmes de France Culture, tout comme toutes les émissions d'Avec Philosophie. Cette émission a été réalisée par Laurence Malonda avec à la technique Ludovic Auger. Elle a été préparée avec Manon de la Selle, tout particulièrement. Et puis le reste de l'équipe d'Avec Philosophie, Aïda Ndiaye, Marie Viguier, Jules Barbier et Chaïma Giboire. Demain, nous nous demanderons si la créativité, ce n'est pas faire résonner le monde autrement. Mes invités seront le compositeur François Maïmoun et Pierre Lemarquis. D'ici là, prenez du bon temps sur France Culture. Vive la curiosité.